la liberté, elle est tout ce que j'ai espéré. L'idéal, la femme de mes pensées, son regard me décroche un sourire. Pour elle, ce n'est que celui de l'amitié. Elle ne comprend pas mes sentiments, et face à elle, je suis toujours figé. Donnez-moi une solution pour lui faire comprendre qu'elle m'offre au moins la chance de me faire entendre. Quand elle est à mes côtés, je suis le plus heureux. Oh, dites-moi enfin comment lui ouvrir les yeux. Aucune femme a aimé, je ne veux personne d'autre qu'elle. Mais elle ne voit pas qu'il n'y a qu'elle. On partage tout ensemble, sauf l'amour que j'ai pour elle. J'ai beau tout essayer, rien n'y fait. Elle me voit seulement comme l'ami éternel. Donnez-moi une solution pour lui faire comprendre qu'elle m'offre au moins la chance de me faire entendre. Quand elle est à mes côtés, moi je suis le plus heureux. Oh, dites-moi.